بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. فإن شاء الله نواصل الدرس الخامس. On avait pris la définition du mudaf ou le mudaf ilayh. Qui c'est qui se rappelle La définition de l'idafa. La définition de l'idafa, non. L'idafa. Voilà, oui, français, si jamais tu ne vois pas, tu ne te rappelles pas trop dans le vent. Ouais, si jamais tu n'arrives pas. Je me rappelle juste d'un mot, c'est le début. Comment on dit le début. نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر. Donc c'est l'appartenance qui est entre deux noms. Donc deux noms, c'est pas deux harf, c'est ni deux verbes, c'est ni un verbe et un deux noms. بالتقدير على تقدير حرف الجر. En gros, il est sous-entendu entre ces deux noms, dans l'appartenance qui est entre ces deux noms, un حرف الجر. Qui est pas mis. On avait vu, à Nisbah, on a vu quatre choses. Par rapport à la Nisbah, l'appartenance ou le lien qu'il peut avoir entre ces deux noms, ils sont de quatre catégories. En fait, non, je reprends. On a vu qu'il y avait trois حرف الجر qui peuvent être sous-entendus. C'est lesquels? Hein? Ouais, min. Le lam, il y a quoi que pour sens? At-tamlik. Ou bien? Ou al-ikhtisas. Ça peut être at-tamlik ou al-ikhtisas. Donne-nous un mythal avec at-tamlik. Bayt-Allah. Tam. Ou al-ikhtisas? Une chose qui spécifie? Al-bab ou al-masjidi. Tam. Pourquoi? On avait dit tout ce qui ne peut pas être qualifié d'avoir de la science. On ne peut pas dire lorsqu'il y a une appartenance qui est. Ou à travers en sang la possession, qu'on peut dire que. Excuse-moi, il y avait 4 harfs, il n'y a pas 3. Il y en a un quatrième, on l'a, Inch'Allah. Vous le verrez plus tard. C'est le kef. Vous le verrez plus tard. Il peut avoir comme l'appartenance, il y a la ressemblance. Mais ça, Inch'Allah, plus tard. Parce que Hatta, l'âme, c'est là. Irtaj, il a. C'est pas tout ce qu'il fait. Et on avait dit, Katalika, le fi. Bimarnaesh. Ouais. Al-Dharfiyya. C'est tout ce qui englobe un lieu ou bien un temps, un moment. Lorsqu'il y a une appartenance qui indique un lieu ou bien un moment, tu utilises fi. Ou plutôt, c'est fi qui sera sous-entendu. Mathalan. Kitab ou maktabi. Kitab ou maktab. Là, c'est plutôt l'exercice. En gros, tu dis ce kitab là. Non, il n'est pas au-dessus. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Tu diras « ala al-maktab ». Ça, c'est vrai. Mais tu dis « qiyamul layl ». Ah, mais le but, c'est de donner d'autres exemples. Si tu peux. Hein. Ça, tu vas dire « mathalam siyamul nahar ».« Siyamul nahar ». « Siyamul nahar », c'est quoi? Ça, c'est pas se tromper avec le temps. Attends, je vais trouver. Salatul Fajr. Salatul Fajr. تمام يعني الصلاه في وقت الفجر مي على فين الفجر tu mets quoi On va le voir. On va le voir. Inch'Allah, c'est le darsh d'aujourd'hui. Je l'ai vu, ça y est. Non, mais ça, c'est bien. Ils disent, il y en a quand, maintenant, tu veux rentrer dans un cours, ils disent, le truc, c'est quoi? Awalan, dès que tu veux rentrer dans un nouveau cours, lis-le avant, préalable. Histoire que, et essaie de le comprendre, surtout. Essaie de comprendre. Comme ça, toi, t'as déjà une petite idée de ce qui va se dire aujourd'hui, tu vois. T'essaies de comprendre qu'est-ce qui va se dire, et t'essaies de le comprendre. Si jamais, ensuite, tu te présentes au cours du prof, tu vas être beaucoup plus intentionné, tu vois. Tu vas être beaucoup plus attentif. Et, ouais. Et tes erreurs, si jamais tu vois, mettant les choses que toi, tu as vu que c'était bon, et le professeur, il vient, il dit, bah, c'est ça, kadakada, tu vois. Il explique comme toi, tu as compris, alhamdoulilah. Ça va être beaucoup plus, ça va affirmer ta compréhension et ta mémorisation. Et si jamais tu vois que c'est une erreur, inshallah, tu vas la rectifier. Tu vois. Et tu vas savoir que là, en fait, ça va être kadalika, tu vas savoir que, en fait, c'est une erreur kadakada. Donc, c'est bien ça. Avant, tu regardes et tout, kadakada, c'est pas mal. Et on avait dit quoi? Le dernier, c'était avec min. L'appartenance ou le harf qui peut être entendu entre les deux, c'est min. Mithlo. Comme exemple. On avait dit khatam min zahab. Ou khatam zahabin. Lorsque tu dis khatam zahab, ay khatamun min zahabin. En même temps, tu vas dire qamisu souf. Et qamisun min souf. Qui est en laine. Lorsque tu veux établir un genre. Ah, c'est pas tellement grave. Mais c'est pas toute. Attention, c'est pas toute chose dans laquelle il y a un genre ou une relation de genre comme ça, tu peux la mettre en mudaf ilayh. Nous, c'est le truc, c'est l'axe là. C'est lorsque le mudaf, il y a une annexion entre le mudaf et le mudaf ilayh, toi, essaie de comprendre c'est quoi le harf qui est sous-entendu. Pas l'inverse. N'essaie pas de mettre une phrase, مثلاً, avec où il établit un genre, مثلاً, comme là, مثلاً. يعني جنبية من عاج جنبية من عاج تمام نسيب pas de vouloir la mettre en mudaf ilayh peut-être ça va pas marcher tu veux dire جنبية العاج il va dire يعني c'est quoi du même حتى en arabe c'est pas non c'est pas ça tu la معنى qu'il veut lui apporter tu la ressens pas à travers le lof جنبية العاج جنبية عاج donc c'est l'axe toi en fait comprends lorsqu'il y a une idafa Donc, yani l'idafa ne peut pas sortir. Le lien qui est entre les deux ne peut pas sortir de ces choses qu'on a vues. Tu vois. Donc, tu le vois, tu dis, bah, c'est quoi l'appartenance entre les deux? L'idafa, elle est là. C'est-à-dire, ça se dit en arabe. C'est quoi l'appartenance maintenant? Après, cherche. Avec ce que toi, tu as vu, bah, l'annexion entre les deux, c'est kadakada. L'appartenance qui est entre les deux, c'est kadakada. Tu vois. Pas l'axe. On avait vu quoi encore? C'est tout. Ça. Al-an, na'houd, yani ahkam. Ça, c'est un charh de la définition de l'idafa. Et là, inchallah, on prend les ahkam. Donc, les règles qui sont absorbées avec le mudaf et le mudaf ilayh. Ça va? Donc, comme j'écris là, le mudaf, elle est mine ahkam et le mudaf. Donc, parmi les règles de l'idafa, mine ahkam et l'idafa, donc parmi les règles dans l'annexion, la première, c'est quoi? Et j'ai bien dû regarder mine ahkam, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a d'autres ahkam, mais Inch'Allah, on va se contenter de ces trois choses-là. Les autres sont un peu plus difficiles. Au fait, il faut qu'on ait déjà des acquis avant de pouvoir comprendre ces autres règles. Tu vois. Et Inch'Allah, on va se contenter de ces trois règles-là, qui sont les plus, comment on s'appelle, celles qui sont plus mises en pratique avec le al-mudaf al-mudaf ilayh. Donc la première, c'est quoi? Tajrid al-mudafi min al-tanwin. Comme on a vu, le mudaf, c'est le premier mot. Wa al-mudaf ilayhi, c'est le second. Tamam? Donc là, tajrid al-mudaf, donc le premier, min at-tanwin, c'est-à-dire que tajri, ça veut dire quoi? C'est de dépourvoir une chose. C'est-à-dire que le mudaf là, il est dépourvu de tanwin, c'est-à-dire qu'il prend pas de tanwin. Le premier là, mudaf, mudaf ilayh, le premier, il ne doit pas prendre de tanwin. C'est-à-dire que lorsque tu fais une idafa, maintenant tu veux dire, on va dire baytullah, tamam? Baytullah. Min al-khata, tu dis quoi? Baytullah. Si ça se dit pas. À partir du moment qu'il y a une idafa entre les deux, il y a une nisba qui s'est fait entre les deux, tu es obligé, non, en fait on va le voir ça, peut-être qu'on va le rajouter, tu es obligé, on va le mettre, c'est bien, tu es obligé de quoi? D'enlever la damma. C'est-à-dire qu'il prend pas, c'est pas la damma, mais tu es obligé d'enlever le tanwin il ne prend pas. Il ne prend pas de tanwin. Abedan. Ça c'est une règle avec le mudaf. Il ne prend pas de tanwin. Tajrid al-mudafi min al-tanwin. Il ne prend pas de tanwin. Donc ça c'est min al-khata, baytun illa, tu veux faire une... Kulli, tu peux pas. Attends, que ce soit pas de bêtises. Non. Fima avant. Le deuxième, tajriduhu. Donc le ha là, il revient à quoi? Al-mudaf. Hein? Parce que les Arabes, une fois qu'une chose elle est citée, la répéter le même terme, non. Ils ramènent un damir qui exprime cette chose-là. Tamam? Ils vont pas dire, maintenant on va dire, tajrid al-mudaf min al-tanwin. Souma, il va recommencer. Tajrid al-mudaf min al. C'est lourd. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ramène une chose qui va remplacer. Tajriduhu. Hatta dans l'autre, tu sens que. Qui revient? Al-mudaf. Tamam? Donc qu'est-ce qui est sous-entendu ici par le ha? C'est le mudaf. Tajriduhu, ay, tajrid al-mudaf min al. Ça c'est ghaliban. En fait, c'est pas ghaliban, c'est dans certains cas. Prenez juste ce cas-là. Le deuxième cas, Inch'Allah, ça sera lorsqu'on va voir, Inch'Allah, déjà, il y a un mudakar salim ou hadith al-ashir. Il faut qu'on voit ces choses-là, tu vois. Le duel, al-musanna. Il faut qu'on comprenne déjà ces choses-là pour pouvoir comprendre ça. Mais si jamais on rentre dans le musanna, on veut l'expliquer quand est-ce qu'il. Le musanna, c'est le duel. Ok. C'est possible. Non, on va regarder. Parce que là, tu pars, comme tu as dit, là, tu pars un peu partout. Eh. Non, on va regarder celui-là. C'est-à-dire que là, vous, contentez-vous de ça, là. Contentez-vous de ça, là. C'est-à-dire que, al-mudaf, il prend pas de l. Donc, min al-khata, tu viens, tu dis, tu vas faire une abarra, tu dis, al-baytullah. Ça se dit pas. Ça se dit pas, ça. Hein? Ça se dit pas du tout. Ça, c'est une khata. Non, non, c'est une khata. Ça, c'est une khata. Al-baytullah, ça se dit pas. T'es bon? Vous gardez ça comme ça. T'es bon? Et le troisième truc, c'est quoi? Al-mudaf ilay. Al-mudaf ilay, c'est-à-dire le deuxième mot. Tam. Da'iman majrour. Ça, c'est. Ça ne sauve pas d'exception. Da'iman majrour. Tu ne peux pas trouver un mudaf ilay qui est marfoua. C'est-à-dire qu'il va se finir avec damma. Ou qu'il va se finir à kada kada. Il est toujours, je veux dire, qui est marfoua. Il sera ni le mansoum. Da'iman les majrour. Majrour. I ou in ou ma naba anhuma. Là, parce que c'est. Là, il n'y a pas de kaf. Naba, c'est ce qui remplace. Parce que tu as le kasra, tu as le kasra tel, et tu as les choses qui remplacent kasra ou kasra tel. C'est pas toute kalimat qui est majrour qui va se finir avec une kasra ou une kasra tel. Le asl, c'est que ça se finit par ça. Le asl, c'est ça. Mais il y a des exceptions où ça ne va pas se finir par ça. Par une chose qui va la remplacer. Comme on a dit, mathalan, masajid. On va le voir en Inch'Allah, ça. Tu dis fi, masajid. Tu dis pas fi, masajidi. Ni masajidin. On va le voir pourquoi, parce que c'est même normal. T'as donc ça, c'est le troisième. Ça, c'est les trois règles qui sont à respecter avec dans l'action. Le premier, tajriduhu min al-tanwin, al-mudaf. Il ne prend pas de tanwin. Deuxième, il ne prend pas de al-mudaf. Troisième, qui se rapporte à l'idha, al-mudaf ilay, il est da'iman majrour. Da'iman. Si t'aimes quand on ne dit pas, c'est pas forcément que le mudaf, il est marfoua. Attends, on va le voir plus tard. Ça va s'appeler alayhim. Non, je ne vais pas le mettre elle, on vient de le voir. Tajriduhu min al-al. Il ne prend pas de l. Al-mudaf, tu ne peux pas dire. Mais c'est ce que j'ai dit là. Ah, tu peux. Il ne prend pas de l. Ah, mais celui-là, il prend. Il peut prendre, il ne peut pas prendre. Tu vois, le mudaf, il peut prendre un l. Dans certains cas, il prend un l. Dans certains cas, il ne prend pas de l. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum kafarakoum. Ah, mais le mudaf, il peut prendre un l. Mais c'est ce que tu vas dire. Maintenant, tu vas dire Beitou ou Rajulin. La maison d'un homme. Beitou Rajulin. Tu n'as pas mis de L. Tu peux mettre. Beitou Rajul. Tu peux mettre L. Ah, Fiché. Mais L, ça finit par I. Ah, ça finit par I. Tu ne peux pas mettre. À la hasard. Tac, tac. Ah, mais celui-là. Ah, Fiché. T'as bien ? Vous avez compris ça ? Ouais. Écrivez. تمام دونك هذا من احكام الاضافه تمام دونك فائده اذا اضيف المضاف تمام الى معرفه فهو معرفه à partir du moment où tu annexes le mudaf vers une chose définie, c'est-à-dire vers si le mudaf il est défini, le mudaf il sera kazalika défini. Donc ça fait partie des choses d'office qui sont définies. Idha udhifa al-mudaf ila ma'rifatin fa huwa ma'rifatin. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الله. تمام. نقصان فائدة. تمام. إذا أضيف المضاف إلى معرفة فهو معرفة. Lorsque le مضاف يسوى نكسي يعني مضاف إليه et ce مضاف إليه إلى معرفة c'est-à-dire il est défini, le مضاف aussi sera défini. Exemple: بيت الله. تمام. بيت الله. Allah, lafz al-jalala, il est défini ou pas défini? Quoi qu'il en soit. Là, il est défini. Si je te demande, est-ce qu'il est défini ou pas, bait? Tu vas me dire? Bait, là. Est-ce que celui-là, là, c'est comme? Là, c'est écrit, là, qui est mudaf. Là, c'est mudaf ilayh, ça? Le mudaf, ça, c'est un mudaf, et ça, c'est mudaf ilayh. Là, même là. Ouais, c'est ça. Le mudaf ilayh, il est quoi? Ici, là. Allah, lafz al-jalala. Il est quoi, là? Il est défini ou l'indéfini? Il est défini. Pourquoi il est défini? Pourquoi il est défini? Parce que dans l'alif lam, Al il est rentré. Ça c'est parmi les choses qui vont. Déjà Al il est rentré, mais voilà, Al n'était pas rentré, ça juste ajoute à la base un Al. Là, de toute façon c'est Baytu al-Rajul. Tamam? Baytu al-Rajul. Là il est défini aussi. Il est défini ou pas? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Al. Ça c'est quoi ça? Tamam. Un autre. Baytu. Baytu al-Wazir. Baytu al-Wazir. Wazir c'est le ministre. C'est quoi? La. Mudaf. Mudaf ilayh. Tamam. Il est défini ou il est indéfini? Pourquoi? Al dakhala alayh. Tamam. Al-an. On adresse la question sur le mudaf. Sur le mudaf. Il est défini ou il est indéfini? Le mudaf, il est défini ou il est indéfini? Il est défini. Voilà. Si jamais le mudaf, il est annexé à une chose qui est définie, il sera lui aussi qu'à la définie. Et le fait que tu le défini, le fait que Naham, qui devient après cela, qu'il est défini, il est beaucoup plus défini que quoi? Que le ma'rif, que le mu'arraf bi'al. On prend notre, là, on récapitule. Jusque-là, on connaît combien d'anwa' al-ma'rifa? Il y a damir. Justement avec un damir. Ad-damaya. Tamam. Il y avait quoi encore? On a vu Al-Mu'arraf Bi-Al. Il y avait quoi encore? On a vu Al-Mudaf Ida Udifa et la Ma'arifa. Et l'autre c'est Al-Alam. Tamam. Première position, ce qui est plus défini c'est damir. Deuxième position, c'est Al-Alam. Troisième position, c'est le mudaf et là, le mu'arraf, le quatrième, ça c'est le plus bas. Donc toutes ces choses-là, c'est défini. Donc le truc, c'est quoi la faïda là? C'est une faïda que vous prenez. C'est que là, vous avez trouvé, c'est le quatrième mot défini que vous connaissez. Le premier, damir. Deuxième, al-alam. Ensuite, al-mudaf et la ma'arifa, summa al-mu'arraf bi-al. Iza udifa al-mudafu ila ma'arifatin fahuwa ma'arifa. Lorsque tu annexes le mudaf vers une chose qui est définie, il sera défini. T'as vu? J'ai une question. Vas-y. Comment on fait maintenant si on prend un lieu et il n'y a pas de 44% tout ça là, tu vois ce que je veux dire? Genre, Baytullah, comment on sait que ça va être une annexion qui est voulue et pas autre chose? Le sens. Il faut que tu comprennes déjà. Voilà, si tu ne comprends pas, tu n'as rien quand tu ne pourras pas mettre des trucs. Mais non, tu comprends le sens. Il faut que tu comprennes déjà la phrase. Il faut que tu comprennes. Là. Parce que. Non, il faut que, c'est pourquoi ils appelaient ça l'i'rab. Parce qu'ils disent l'i'rab, c'est ibana, c'est la chose qui. Yani, comment ça s'appelle? C'est le bayan. Tu vois, c'est l'exposé. C'est-à-dire que toi, déjà, avant de comprendre, il faut que tu infâmes. Ils disent même ça, c'est Ibn Hisham, c'est parmi les grands grammairiens. Il dit la première des choses qu'il faut observer dans les règles dans l'i'rab, c'est que tu comprennes ce que tu es en train de dire. Il dit pourquoi les gens ils font des erreurs dans l'i'rab, dès qu'ils analysent, ils font une analyse grammaticale. Pourquoi ils font des erreurs? Parce qu'il dit déjà, aslan, sa compréhension, elle est faussée. De la phrase. Bah ouais. Donc après lui, il appuie son analyse sur une compréhension déjà qu'elle est fausse. Donc c'est obligé son erreur, il va être faux. Il dit, ah, mais celui qui a déjà compris, qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois la phrase, il va faire des arabes, taf, taf, taf, taf, taf. Mathalan, il faut que tu comprennes. Tu vois, il faut que tu comprennes. Mathalan, moi, si je te dis, dans là-bas, on va voir, tu vois, Abdullah Husseinan. Dans là-bas, c'est tapé. Abdullah, c'est celui qui tape. Hussein, c'est celui qui se fait frapper. C'est-à-dire que toi, maintenant, si jamais déjà tu lis la phrase d'Arab Abdullah Husseinen, tu comprends que c'est Hussein qui a tapé Abdullah, tu vas faire une erreur. Pourquoi? Parce que tu vas dire d'Arab Abda, et là tu vas dire Husseinun. Alors que celui qui fait l'action, il est marfou', et celui qui subit l'action, il est mansoub. Tu vas faire une erreur directe. Parce que toi, t'as compris que c'était lui qui a tapé lui. Alors que non, le sens, c'est qui? C'est Fulan qui a tapé l'autre. Vous avez compris ça là? Alors. Donc le deuxième point qu'on avait, les autres points qu'ils ont évoqués dans la leçon, qui a été utilisé, c'est Hunaka. On a vu? À un moment, il dit, Aïn al-Kitab, il a dit Hunaka, ça. Il avait évoqué ça. Il y a un nouveau point qu'on va voir dans la leçon, c'est Hunaka. Dans la leçon, il avait dit Aïn al-Kitab, il a dit Hunaka, ala sari wa madresh. Hunaka, ala al-Maktabi, Hunaka. Tamam? Qu'est-ce que ça veut dire, Hunak? Là-bas. Là-bas. Tu marques comme ça. Wa huwa. Huwa. Mukawwan. Min kalimatayn. Il est composé de deux mots. Wa mukawwan min kalimatayn. Le premier. Al-awwal. Tamam. Huna. Et le deuxième. Le kaf. Donc là, on va voir c'est quoi Huna. Huna. Ismo, qui est qui peut nous donner la terminaison de ça là? Ismo Isharati. De quoi? De Hunak? Ishara. Ismo, la définition de ce mot là. Comment il se termine? La terminaison de Ta'afan. Ismo Isharati. Ishara Esh. Ishara Esh. Ishara Esh. Ismo Ishara Tain. Isharatin, pardon. Tin. Tin, parce qu'il n'est pas. Qui est d'accord? Avec c'est quoi qui. Moi, c'est par rapport à. Il est naked. Ismun lil ishara, qui est particularisé pour démontrer une chose. Huna, c'est un nom qui est particularisé pour démontrer une chose. Chauffe, lorsque tu mets le harf jar, tu comprends direct après. Tu vois? Donc c'est isharatin. Mudaf ou mudafil? Ismu isharatin. Tamam? Donc ismu isharatin lil makan al qarib. Lorsque tu veux démontrer ou tu veux. Yani, comment ça? Naham. Indiquer une chose qui est proche, un endroit, tu vas pas utiliser had, tu vas dire huna. Donc huna ismu isharatin lil makanil qarib, pour l'endroit qui est proche. Tu veux démontrer un endroit, tu veux indiquer un endroit qui est proche, tu dis huna. Aina zahaba fulan, zahaba huna, juste à côté. Et le kaf, ici, tamam. Ahindama nusual. C'est quoi la terminaison de khitab? كيف الخطابي؟ لماذا؟ ايش دليلك؟ الدليل يعني لكن pourquoi t'as pas dit khitab? Pourquoi t'as pas dit khitabi? Bah pourquoi t'as pas dit من هو الخاطب؟ الخطاب مضاف اليه بتقدير على تقدير لم الاختصاص اي كاف لخطاب للخطاب c'est le kaf qui est particularisé pour le discours qui est spécifié pour être employé dans le discours. Hunaka. J'ai pas compris l'irtisas en fait. Spécialisé. C'est spécifié. C'est bulk, mais tu es une personne qui est face à des... Khitab, est-ce que le khitab il peut posséder une chose? Un discours il peut posséder une chose? Khalas, donc c'est l'autre. Même ça. Des fois moi ça me chie, c'est une chouette avec le min. Le min? Le type. Le type de kaf. Khitab. Kaf ou min al-khitab. Fais un takdir. Ça passe pas. Kafun min al-khitab. Et comme on a dit, le min là, le genre, le type, c'est une chose qui est partie intégrante dedans. Tamam? Je fais un Donc le kaf qui est utilisé pour le discours. C'est-à-dire que là, lorsque tu parles, tu dis hunaka, tu es en train de démontrer une chose, tu dis que c'est ici, tu es en train de parler à quelqu'un qui est du genre masculin. Ah, d'accord. La même chose qu'avec Dalika. C'est-à-dire que c'est minal khata, si jamais tu es en train de parler à une femme, et tu dis hunaka. Tu dis hunaki. C'est minal khata. Donc, kaf al-khitab, ils disent wal-bu'd. Qui met de la distance. C'est-à-dire que lorsque tu dis huna, c'est pour une chose qui est proche. Ils disent ça. Ils disent hunaka, c'est pour une chose qui est mi-distante. Tu vois, t'as même qui n'est pas ni loin ni qui n'est proche. Mutawasat. Et lorsque tu dis hunalika, ils disent c'est plus loin. La même chose qu'avec dalika. Hani hada. Hunaka, c'est entre dalika et hada. Voilà. Non, hunaka, c'est entre huna wa hunalika. Ouais, non, mais c'est entre les deux là. Mais entre les deux. Voilà. Parce que dalika, c'était. Et il y en a, ils disent. Ils disent hunaka wa huna, c'est la même chose. Ils disent que tu dises hunaka ou que tu dises huna, ils disent la même chose. Ils disent sauf que là, quand tu es en train de parler, tu es en train de parler à une personne. Dans l'autre, huna, tu n'as pas spécialisé la personne à qui tu es en train de parler. Tandis que là, tu as spécialisé la personne à qui tu es en train de parler, il est singulier masculin. C'est un homme, il est tout seul. C'est un homme. Donc, bu'd, c'est la distance. Non, la jenbia, Allah alam, si déjà aslan, t'as le droit de faire une idafa. T'es pas obligé de faire une idafa pour émettre une possession entre deux choses. Le truc, c'est quoi? C'est si jamais l'idafa est possible, c'est qu'il y a un damir, qu'il y a un harf qui est sous-entendu. Al-an, tu veux parler pour sous-entendre une possession entre deux choses. C'est pas toute chose avec laquelle tu veux émettre une possession que tu peux utiliser l'idafa. L'arabe. Bittajurba, c'est avec la pratique de l'arabe. À force de, quand tu vas connaître l'arabe, tu vas voir qu'il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas. C'est la pratique, tajurba. Celui qui fait qui travaille dans l'échange, les billets là. Sarraf en arabe. Voilà, celui qui travaille dans le bureau de change. Il vient, il tâte le billet direct, il dit c'est un faux. Toi, tu vas le toucher, tu vas le tâter, tu vas le lever, tu vas le retourner, tu vas rien voir. Pourquoi? Parce que, à force de pratiquer, il connaît. Un muhaddith, tu vas dire un hadith comme ça, il va même pas entendre du sanad, il n'a pas besoin du sanad. Il va dire, ah, le hadith d'aïf. C'est-à-dire, mais sanad, je ne l'ai même pas encore dit. Il va dire, c'est ma pratique. Ce truc, cet hadith-là, là, jamais j'ai entendu. C'est pas possible parce qu'il vient en contradiction avec ça, Il va dire, sans connaître, sans regarder là. L'isnad, je sais que déjà celui-là, il contredit l'islam. C'est pas possible. Pourquoi? Par la pratique. Walay sa sawa, alimun, wa jahulu. Il n'y a pas de. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. Il faut pratiquer. C'est-à-dire que lorsque toi tu vas rentrer dedans, tu vas pratiquer, il y a des choses qui vont te paraître. Wadeha. Tom, on a vu Kanalika? Donc ça, c'est compris, ça, c'est ça. Hunaka. Pour exprimer une chose à un endroit. Aina zahaba faridun, zahaba huna. Oh, tu peux dire, zahaba hunaka. J'efface. Ah, hunalika. Si tu veux dire, hunalika, dis c'est pour le baïd. Le mankan qui est baïd. Aina zahaba hunalik. Mais hatta yana, il dit huna. Ouais. Hatta, des fois, ça avait juste l'intonation. Aina zahaba huna. T'as compris qu'il est baïd, il n'est pas proche. Donc, tahta. C'est quoi tahta? En dessous. C'est-à-dire en dessous. C'est quoi sa définition? Zarf. Tamam? Zarf ou makan. Tamam? Ah, indama le soual. Indi. Makan. Makan, ish. Makani, makanu, makana. Makani. Makan. Nim. Limada? Zarfun ou zarfu? Zarfu. Zarfun ou zarfu? Zarfu, makan. Bisabab, taqdir. حرف جر الظرفية يعني في. Donc ظرف في المكان. المكان ليه ما ديفيني؟ لأن المكان هو. تصدع تكون ظرف في مكاني. المكان معرفة إذا. ظرف ها؟ Non mais pourquoi t'as dit makanin? Il y a mudaf ilayh. C'est quoi l'appartenance entre les deux? C'est quoi l'appartenance entre les deux? Fi li min. Comprends la phrase. Si il dit l'ikhtisas, ça veut dire quoi là? Le complément qui est spécifié pour indiquer le makan. Ça se dit? C'est pas ça. Lorsque tu dis tahta, bah, lorsque tu là, ça spécifie un mekan ou pas? Lorsque tu dis tahta, il est en dessous. Tahta, ça spécifie un endroit ou pas? Ça spécifie un endroit. Donc c'est l'âme. Donc c'est l'âme. Ah, c'est comme je disais, dharfun lil makan. Ou dharfun lil makan. Si jamais tu mets l'âme, c'est plus le mudaf mudafilé, donc il n'y a plus les règles à respecter. Si jamais tu enlèves l'âme, sous-entendu, tout revient. Il faut que tu mettes la qaïda. Dharfun makanin. Si tu mets l'âme, c'est fini, c'est plus une idrafa. C'est plus une idrafa. Donc tahta, dharfun makanin. C'est utilisé pour désigner un lieu qui est bien précis, c'est celui qui est en dessous. Tamam. Donc, et rajouter cela. Tamam. Wa ghaliban yulazim al-idafa. Tamam. Wa ghaliban, donc souvent, très souvent même, yulazim al-idafa ta. Me dis pas pourquoi ta. Inch'Allah, ça va venir. Ghaliban, yani souvent. Et souvent, yani, il se détache pas de l'annexion. C'est-à-dire que ce qui va venir après tahta, prends ça avec une faïda, tout ce qui vient après tahta, et on va voir d'autres, tout ce qui vient, dès que tu vois tahta et le mot qui est derrière, abshir qu'il est majrur ba'da. Pourquoi? Parce que c'est un mudaf ilay. C'est-à-dire, ghaliban, ce qui suit tahta, c'est mudaf ilay. Ghaliban. Comme on a pu voir, tahta, il a dit quoi? Al-maktabi. Parce quoi? Mudaf, mudaf ilay. Souvent c'est. Comme par exemple, ba'da kazalika. Et tout ce qui est niqabla, amam, tout ce qui montre les lieux, amam devant, khalf, fouk, taht, yamin, shimal, tout ce qui montre les lieux, là, c'est ces endroits-là. Donc, ghaliban, yulazimu al-idrafa. Yani souvent, c'est-à-dire qu'il y a certains moments, exception. Mais ghaliban, dans tous les. C'est parce qu'ils ont trouvé un ou deux cas, ils ne peuvent pas te dire d'aïman. Mais ça, c'est le qaïda, parce que la qaïda. C'est pas une shurut al-qa'ida, ça fait pas partie de la condition pour dire qu'une chose, que c'est une règle, qu'elle ne sauve pas d'exception. Une qa'ida se divise en deux. Soit une chose qui ne sauve pas d'exception, c'est da'iman à chaque fois, dès que tu la trouves, kada kada kada. Ou c'est souvent. Ah. Kulliya wa ghalibiya. Tu vois, souvent, tu vas trouver kada kada. Le fait que ce soit souvent, ça peut faire da'iman qa'ida. L'exception, parce qu'il y en a peu. Mais à partir du moment où il y a trop d'exceptions, tu ne peux plus appeler ça une qa'ida. Tamam? Le dernier point, comme ça après on finit, qu'on a vu dans la leçon. Tamam. On a vu l'ya. Il dit, Aïn al-kitabu, ya yasir. Le ya. Là. Harfu. Nida. Tamam. Andaman swal. Andaman swal. Harfu. Nida un. Nida u. Nida a. Nida a. Nida in. أو نداء إي إن أو إي لا مش هدوما دي بوكوا فاصون كوا كي نزوا نداء إن العلم قبل القول والعمل طيب نداء إن تفضل تذكر كان سيونس نعم بوكوا ما سيونس إكو ها Le job, tu fais comme ça, propre. Entre les deux, il y a une idrafa. Une annexion. Et c'est quoi l'ikhtisas? C'est comme tu dis, harfun li nida. C'est le harf qui est particularisé pour appeler. Ça? Lorsque tu dis ya fulan, c'est pourquoi? Pour l'appeler. Un nida, c'est le fait d'appeler. Le ya, ya, ya, c'est bon. Harfu nida in. C'est le harf qui est utilisé pour l'appellation, pour appeler quelqu'un. Tamam. Yunada. Bihi, par lui, par ce biais-là, t'appelles Al-Qarib, Yunada Bihi Al-Qariba, Al-Qariba. Tu peux mettre le dé. Tam, wa asluhu ad'u. Fa, hudifa, tam, al-fi'lu, wa anaba al-harfu. Donc ils disent le ya, c'est un harf nida. C'est pas un ism, c'est ni un fi'l. C'est un harf nida. Qui est utilisé pour appeler yunada bihi, qui est utilisé pour appeler al-qarib wal-ba'id. Celui qui est proche et celui qui est loin. Tamam. Wa asluhu, à la base, ce ya-là, c'était quoi? C'était un verbe. Ad'u, parce que lorsque tu dis ya, c'est comme si tu disais ad'u fulan. J'appelle fulan. Tamam. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Ils ont remplacé le fait qu'ils disent ad'u au lieu de dire ad'u fulan. Ils ont dit on va prendre un harf, tamam, plus court, histoire de, d'enlever cette complication de dire ad'u fulan, ad'u kata kata. Tamam. Et c'est quoi ma'na? Ya ay, ad'u fulan. Donc ils l'ont supprimé le verbe ad'u, j'appelle fulan, et ils l'ont remplacé. Tamam. Asluhu ad'u fa hudifa al-fi'l. Tamam. Wa anaba al-harf, le ya, il a pris sa place. C'est-à-dire que le ya est venu pour le remplacer. Maqam, c'est-à-dire la place. Hu al-fi'l. Tamam. Comprenez une chose, c'est que ce qui va venir derrière. Donc la personne qui est appelée, tamam, elle va subir aussi une transformation. À la base, Yasirun, صح? Tu vas appeler Yasir. Yasirun. Et tu le prononces quand tu l'appelles? Yasir. De toute façon, Aslan, les Arabes, dès qu'ils s'arrêtent, ils ne prononcent pas la dernière moyenne. Ouais. Mais normalement, c'est comme ça. Yasirun. Donc, prenez un truc comme ça. C'est pas une qaïda. Hein? Anaba, c'est remplacé. Prenez juste ça, yani, comme éclairage. C'est que le ya, lorsqu'il rentre dans l'ism, il va le transformer. Et pour les femmes, c'est-à-dire que, hein? Pour les femmes, pareil. À part, tu t'appelles quelqu'un. Par exemple, tu dis ya Fatima. Ya Aslam Fatima. Il ne prend pas de tenouin Aslam Fatima, on avait dit. Et à la fin, ça sera Fatima. Fatima. Aslam Fatima, qui vient le ya ou qui ne vient pas le ya, il n'a pas de tenouin. Sachez qu'il y a une année à la fin, il y aura un changement. Il y aura un changement. Chouf, on ne va pas prendre une qaïda. Je vais vous mettre des exemples. Le but, ce n'est pas de prendre la qaïda. Parce que le truc, ce n'est pas prendre de toute la hakam, parce que les hakam, c'est trop lourd pour vous. Prenez les exemples et faites un qiyas alayh. Chaque mot qui sera pareil que ces exemples-là, tu feras la même chose que lui. Si jamais tu appelles quelqu'un qui est indéfini. Tu sais pas c'est qui. Maintenant, tu vas appeler une bint. Tu vois, tu vas dire ya bintu. Tu vois? Est-ce que tu la connais ou pas? Non. Elle est indéfinie pour toi. T'as? Mais tu sais de qui tu parles là. Il y en a une personne qui est bien particulière. En fait, tu connais pas son nom, mais une personne bien particulière. Ya bintu. T'as? Tu diras comme ça. Bintu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mot il est indéfini, mais tu vises quelqu'un bien particulièrement, tu diras ya bintu. Et ça bintun. C'est indéfini en fait. Indéfini. Non, il reste comme il est. Ça reste indéfini, mais tu. Indéfini, parce que c'est une bint parmi les bint. Mais tu, c'est une personne bien en particulier. C'est pas le seul, tu vois. Il y a bintou. Lorsque tu vas appeler quelqu'un, son nom, il est Mondaf fa Mondaf ilayhi. Comme c'est mon cas. Abdullah. Ou bien comme c'est le cas avec les kunya. Abu kada kada. C'est une kunya. Tu diras. Ya Abdallah. Ya Abba. Yusuf. Non, c'est, tu ne peux pas dire Yusuf. Ya Abba Yusuf. Lorsqu'il y a Mondaf Mondafilé, et tu vas appeler quelqu'un Mondafilé avec le khayy. Lorsque tu vas appeler Hesh, gardez ça, Yakshi. سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.